Chapitre 7e. Peter Paulus Brown avait été pendant 20 ans le plus heureux des couteliers de Sheffield. Pendant 20 ans, l'acier de l'habile manufacturier, transformé en rasoir, couteau, canif, ciseaux ou lime à ongles, avait été primé sur les marchés des deux mondes. Et les jurés des expositions de Vienne, Bruxelles, Paris, Londres, Madrid et Philadelphie l'avaient honoré d'une incommensurable quantité de médailles. Peter Paulus Brown avait fait relier en veau maroquiné tous les brevets écrits en toutes les langues. Il montrait, non sans orgueil, l'in-folio qu'il formait et dont les dimensions égalaient celles de son grand livre. Quant aux médailles, elles flamboyaient en une opulente constellation sur les murailles gritaires de l'office de Peter Paulus et s'étalaient en une sorte de monde planétaire au centre duquel étincelait le Sheffield Star. L'étoile de Sheffield, ingénieusement fabriquée par l'entrecroisement savant des types des différentes lames sorties des ateliers, était, comme nous le disons en France, l'enseigne de la maison. Il sera donc aisé de saisir, sans qu'il soit besoin d'explication, la délicatesse de ce rapprochement grâce auquel Peter Paulus avait toujours devant les yeux le symbole du travail et la récompense de celui-ci. Jusque-là, rien de mieux et nous n'avons avancé rien de trop en disant que Peter Paulus Brown avait été pendant 20 ans le plus heureux des couteliers de Sheffield. Et ils sont nombreux. Mais au bout de cette 20e année, l'honorable fabricant s'avisa d'une réflexion fort judicieuse en somme. C'est que les poils mentonniers, si subtilement fauchés par ses lames, devaient grisonner sur les épidermes qui n'étaient estompés que d'un simple duvet lors de son entrée aux affaires. En d'autres termes, Peter Paulus aperçut qu'il avait pourvu aux opérations de la tonte d'une génération entière. Il pensa sérieusement à se reposer et s'occupa, séance tenante, de liquider sa maison. Mrs. Brown, Arabella pour l'heureux Peter Paulus, soumise comme toute bonne anglaise aux décisions de son seigneur, approuva et trouva ce que c'était, perfectly well. Peu lui importait d'ailleurs. Elle ignorait jusqu'à l'emplacement de la manufacture et n'avait jamais quitté son cottage que pour conduire chaque année, au mois de juillet, ses deux jeunes filles, Miss Lucy et Miss Mary, à la plage d'Ostende. Les opérations de la liquidation donnèrent à l'activité de Peter Paulus un aliment suffisant. Mais quand tout fut fini, un jour vint où l'inaction pesa trop fortement aux épaules de ce robuste travailleur. Le fracas des marteaux, le grincement des limes, le ronflement des machines, le crépitement des seuls, le flamboiement des forges, cet immense mouvement industriel qui avait été sa vie, lui manqua bientôt, et Peter Paulus, riche de 100 000 livres, soit 2,5 millions de notre monnaie, s'ennuya comme un Anglais seul peut le faire. Il devint complètement absurde, et rien en lui ne subsista de l'habile industriel. Il voulut alors trancher du grand seigneur, et réussit à devenir un grotesque achevé. Après avoir usé et abusé des plaisirs faciles, dont un millionnaire en quête d'aventure peut se saturer à l'aise, après avoir parié et perdu, après avoir vu des coqs s'étriper, des boxeurs s'assommer, des rats massacrés par des chiens sans oreilles et amusés au camard, Peter Paulus commença à trouver que ses bonheurs très fashionables manquaient absolument de confortable. L'ennui le reprit, plus âpre, plus poignant. Mrs. Arabella, désespérée de ce changement d'humeur, soupirait en silence, n'osant faire la moindre remarque, et feignait de ne s'apercevoir de rien. Tout allait donc au plus mal, quand Peter Paulus rentra un beau soir positivement radieux. Sa bouche, qui depuis si longtemps avait désappris le sourire, se pinçait en une sorte de rictus qui avait la prétention d'être aimable. Ses traits, ordinairement figés comme ceux d'un mort, rayonnaient. Il releva sa haute taille et s'avança vers sa femme à laquelle il dit joyeusement « Arabella, je croyais que j'avais le spleen. » Une des manies de Peter Paulus était de parler français. Il avait imposé l'usage de notre langue à sa famille et rigoureusement proscrit l'anglais de tous les entretiens, même les plus intimes. « Oui, » continua-t-il, « le spleen. Le spleen comme Lord Harrison, comme Lord Barclay, comme le baronnet Wilmore, comme notre grand Byron. Oh, my dear. Disez, mon cher, if you please. No, non, s'il vous plaît. « Mon cher. »« Very bien. Très well. »« Oh, je ne savais plus. J'étais fort. »« Oh, le contentement. Le spleen comme tous ces gentlemen si considérables. Je avais le spleen. » Mrs. Brown, sans s'arrêter à ce qu'avait d'étrange cette manifestation joyeuse d'une maladie qui passe, à juste titre, pour le prototype des affections spéciales ou désespérées, se réjouit sincèrement de cet heureux changement survenu dans l'état de son mari. Quant à Peter Paulus, la jubilation qu'il éprouva en se reconnaissant atteint d'un mal si distingué, et plus spécialement réservée au personnage du High Life, le tint éveillé toute la nuit. Il se vit, parcourant le monde, rongé par un incommensurable ennui. Il côtoyait des précipices au fond desquels l'attirait le vertige du suicide. Il escaladait les montagnes et franchissait les océans. Rien, enfin, ne pouvant avoir raison du mal, Peter Paulus méditait sur les mérites de la mort par la corde, ce trépas si éminemment anglais. Il pensait pour mémoire à la noyade qui bleuit, à l'arme à feu qui défigure, au poison qui tord les viscères, et souriait doucement à l'asphyxie par le charbon, bien que ce genre de mort soit plus spécialement réservé aux petites gens. Sa vie avait désormais un but, ne fût-ce que la recherche des moyens d'en sortir, car enfin, un homme qui a le spleen doit finir par se tuer. Mais Peter Paulus n'en était pas encore là. Son spleen allait lui procurer de l'occupation. Ce ne fut pas sans envie que les membres du Fox Club, dont il était vice-président, accueillirent la grande nouvelle. Si les uns, et ce fut le petit nombre, le plaignirent sincèrement, les autres le jalousèrent. Où diable l'envie va-t-elle se nicher? Ou révoquèrent carrément en doute son affirmation. Cela ne faisait pas l'affaire de Peter Paulus qui, en homme avisé, résolut de confondre séance tenante les sceptiques et obtenir victorieusement son brevet de splénique. Il sauta dans un cab et s'enfuit dard trouver les sommités médicales qui en Angleterre comme partout font profession de savoir toutes choses et beaucoup d'autres encore. Le pauvre malade imaginaire devait, hélas, éprouver un cruel mécompte. C'est en vain qu'il fit consécutivement vibrer d'une main nerveuse les sonnettes électriques de quatre professeurs, Dr. Campbell, Dr. Hastings, Dr. Nightingall, Dr. Harvey. Après l'avoir à tour de rôle palpé, retourné, ausculté, percuté, ils déclarèrent unanimement que la rate de Master Brown mesurait 4,5 cm de son bord supérieur à son bord inférieur et que le dit Master Brown n'avait par conséquent rien à redouter de la splénie. À redouter! Ces savants étaient cruels en vérité. Jamais moribond ne fut aussi désolé en entendant formuler l'arrêt fatal que Peter Paulus en apprenant ce brutal ultimatum qui le condamnait à la santé. « La faculté anglaise, il était une bête » s'écria-t-il furieux, et oubliant que pour un anglais tout ce qui est anglais, et cela seul qui est anglais, est au-dessus de tout. « Arabella, je voulais voir les médecins de Paris. » Et Peter Paulus Brown de Sheffield, nanti d'un plaid et d'une valise, sauta dans le railway qui le déposa sur le wharf de New Haven, bondit sur le paquebot de Dieppe, octa pendant 12 heures, en proie aux horreurs du mal de mer, et débarqua à l'hôtel Continental, plus splénique imaginaire que jamais, et frais comme une rose de mai. De l'hôtel Continental, Peter Paulus mit 2 mois à les places Vendôme chez le professeur D. 200 mètres en 2 mois, c'était peu, surtout pour un homme atteint d'un mal qui se manifeste par un besoin suraigu de locomotion. Mais, si comme le veut la légende, l'enfer des croyants est pavé de bonnes intentions, il est un autre enfer au boulevard de Macadam, aux avenues de Bitume, enfer très aimable d'ailleurs, qui a pour propriété de donner aux intentions, même les plus pures, des résultats diamétralement opposés. En conséquence, Peter Paulus mena, comme on dit, son spleen tambour battant, et ne lui laissa pas un moment de repos. Les soupers fins, parlons seulement des soupers fins, tinrent une large place dans son existence. 12 heures par jour, ou plutôt par nuit, les restaurants bien connus des noctambules offrirent sous toutes les formes à l'insulaire les distractions dont avait besoin son rat. Son rat. Quand il avait majestueusement prononcé ces 2 mots, mon rat, Peter Paulus avait tout dit, et comme il payait largement, en véritable anglais toqué, comme son carnet de chèques s'entrouvrait à chaque instant pour solder à l'avance les fantaisies les plus biscornues, le rat de sa seigneurie avait d'emblée conquis droit de cité. Les viveurs répétaient à l'envi les mots du possesseur de cet organe bizarre, et les gazettes mondaines daignèrent lui envoyer des reporters. Nous ne rappellerons que pour mémoire quelques-unes des idées baroques mises à exécution par le ci-devant coutelier. Un des restaurants du boulevard possède un jet d'eau avec une vasque peuplée de poissons rouges. Peter Paulus fit alimenter pendant un souper le jet d'eau avec du champagne, expropria les cyprins, et les remplaça par un sang d'écrevisse cuite. Il avait fait construire une petite guillotine, un chef-d'œuvre de précision, et ne mangeait jamais d'œufs à la coque sans qu'ils fussent coupés par le triangle d'acier. J'en passe et de meilleur. Chaque matin, Peter Paulus, bourré à éclater de victuailles et saturé de toutes sortes de liquides, était triomphalement transporté à son hôtel, ivre-mort jusqu'à la catalepsie. Cette belle existence ne pouvait infiniment durer. Aussi, à défaut de spleen, l'insulaire se réveilla-t-il un beau matin, tordu par une formidable gastrite. Il finit par où il aurait dû commencer et fit venir le docteur D, qui reconnut d'emblée le mal et pronostiqua des conséquences fâcheuses. « La gastrite, voyez-vous, Milord ?» Peter Paulus tranchait du lord à ses moments perdus, c'est-à-dire à chaque instant depuis son arrivée à Paris. « Je n'avais pas un gastrite, c'était mon rat. »« Non, Milord, votre rat n'a rien à faire ici. Vous n'avez pas le spleen, mais une gastrite. »« Je n'avais pas le spleen ?»« Non. »« Le spleen comme Lord Harrison, comme Lord... »« Une gastrite, vous dis-je. Mais rassurez-vous, » continua le médecin, en voyant à quelle espèce d'original il avait affaire. « La gastrite est une maladie très à la mode et très bien portée, surtout quand elle est chronique. « Je donnais à vos 100 livres si mon gastrite il devenait chronique, tout de suite. « Je ferai pour le mieux, Milord, et vous aurez lieu d'être content. » Le docteur D tint parole. Peter Paulus, amaigri, débilité, méconnaissable, reprenait au bout de 3 semaines le chemin de Sheffield, nanti d'un cas pathologique, honorable en somme, suffisamment distingué, et dûment attesté par une sommité médicale. N'ayant pas lu Manfred, il se résigna à être Falstaff. C'était déjà quelque chose. Mais tout n'est cœur et malheur dans la vie. Le pauvre Peter Paulus, malade pour tout de bon, ne pouvait plus s'adonner à son penchant de prédilection, les bons mets et les bons vins. L'ennui le reprit, et avec l'ennui, un insurmontable dégoût de la vie. Voyager, et surtout voyager en mer, lui conseillèrent à l'unisson Dr. Campbell, Dr. Hastings, Dr. Nightingale et Dr. Harway, toujours d'accord comme un implacable quatuor d'infaillible. Peter Paulus prit une liasse de banknotes, son inséparable carnet de chèques, son plaid avec sa valise, et s'enfuit à Southampton, accompagné de Mrs. Arabella, de Miss Lucy et de Miss Mary. Le Nile de la Royal Mail Steam Packet Company Ship allait appareiller pour la Veracruz avec escale à Saint-Thomas, Porto Rico, Saint-Domingue, la Jamaïque et Cuba. Peter Paulus prit 2 cabines, s'installa en homme amoureux du confort et attendit fiévreusement le go-ahead du capitaine. Bientôt le sifflet du steamer mugit, le vapeur siffla, le jack monta lentement le long de sa drisse et rutila la corne d'artimon. L'hélice ronfla, le Nile partait, emportant vers de lointaines régions Peter Paulus et sa gastrite. Le voyageur n'était pas sans appréhension relativement à ce moment psychologique bien connu des navigateurs, et qui se traduit au bout d'une heure au plus par une migraine tenace, accompagnée de convulsifs soubresauts exécutés par le diaphragme. Alors, les salons se vident comme par enchantement, le gaillard d'arrière devient désert, les passagers, en proie aux horreurs du mal de mer, gagnent en oscillant leur cabine, se claquemurent étroitement, et l'on devine le reste. Mrs. Arabella, Miss Lucy et Miss Mary payaient surabondamment ce tribut de la première heure, tandis que Peter Paulus demeurait stoïquement avec les quelques endurcis que le tangage et le roulis n'avaient pas le privilège d'émouvoir. Chose étrange, il sentit dans la région épigastrique une sorte de petit fourmillement nullement désagréable, accompagné de plusieurs basses bâillements. « Ah oh !» fit-il songeur. « Ce était encore mon gastrite. » Le chatouillement continua en s'accentuant et les bâillements recommencèrent de plus belle. « Oh !» reprit-il, « je avais faim. Ce était le faim. Oh !»« Le navigation, il était very beautiful. »« Steward, venez vite. Donnez pour moi toutes les bonnes petites choses que vous avez pour le mangement. » Le maître d'hôtel se multiplia et Peter Paulus mangea à faire pâlir l'ombre de Sir John Falstaff, cette émule de notre gargantua. Le lendemain et les jours suivants, notre homme engloutit et digéra comme un caïman affamé. L'on fait 5 repas à bord des paquets anglais. Il trouva moyen d'en faire 10, sans plus s'occuper d'ailleurs de sa femme et de ses filles que le gros temps confiné dans leur cabine. Et le vorace insulaire dont l'océan restaurait l'organisme répétait à satiété « Oh, le navigation! Je aimais le navigation! Hurrah! Vive le navigation !» Entre-temps, les pauvres femmes dépérissaient, mais peut importer au goulu qui s'empiffrait et digérait comme quatre. Peter Paulus était à cette époque un homme de 50 ans, brun de barbe et de cheveux, et porteur d'une tête qu'on ne se fût pas attendu à trouver sur les épaules de ce maniaque égoïste. Il avait le front haut et bien découvert d'un penseur. Ses yeux gris à fleur de tête, un peu égarés, flamboyaient étrangement sous l'épaisse broussaille de ses sourcils. Son nez aquilin, un peu rubéfié par de trop fréquentes rasades, ne manquait pas de caractère, et sa bouche, bien meublée encore, attestait par les deux plis tombant des commissures des lèvres une implacable volonté. Il souriait rarement, mais il riait convulsivement, et son rire faisait peur. Sa taille dépassait 5 pieds 10 pouces. Il était maigre, mais charpenté tout en muscles, avec les épaules un peu voûtées des hommes habitués aux travaux manuels. Ses mains aux doigts gros, nerveux, velus, étaient énormes, et ses pieds, chaussés de souliers à talons très bas, rappelaient par leur dimension de boîtes à violon. Quand il ne mangeait pas, Peter Paulus errait toujours seul. À toute heure du jour et de la nuit, on le rencontrait parcourant, silencieux, les couloirs du navire géant. Un grince survenait-il accompagné des roulements du tonnerre et des rafales de l'ouragan. Une ombre colossale émergeait lentement du panneau, recouvrant l'escalier des premières, et s'en allait dolente de l'arrière à l'avant, et réciproquement, sans mot dire, insensible à tout. C'était Peter Paulus, qui, hermétiquement calfeutré dans son imperméable, fumait sa pipe. Une de ces horribles petites pipes en bois, à tuyau court, et telle qu'en fument furtivement les assassins dans les préaux des maisons d'arrêt. Son costume, entièrement noir, ne subit aucune modification, même sur la mer des Antilles, aux flots surchauffés par le soleil des tropiques. Pendant les escales, on voyait apparaître, pâlie et comme brisée, Mrs. Arabella et ses deux jeunes filles, heureuses d'échapper quelques heures à leur claustration. Car les pauvres femmes, possédant des organismes absolument réfractaires à la navigation, ne pouvaient s'habituer au mouvement du navire. Les escales étaient au contraire odieuses à Peter Paulus, qui ne pouvait manger, boire et dormir que secoué par le tangage et le roulis. Arrivé à la Veracruz, Master Brown fut désespéré de l'arrêt forcé du navire qui faisait son charbon et arrimait sa cargaison. 6 jours sans naviguer constituaient pour lui une véritable torture. Mais en anglais millionnaire et avisé, il fretta une petite goélette et se mit à courir des bordées pour son propre compte, en imposant comme toujours aux malheureuses femmes le séjour du bord. Que voulez-vous, le navigation était indispensable à Peter Paulus Brown de Sheffield. Le Nile revint, sans encombre, à Southampton, et Peter Paulus remonta, le lendemain même de son arrivée, sur le steamer Halifax de la compagnie Cunard en partance pour New York. L'Halifax fut secoué par une furieuse tempête. Mrs. Arabella, Miss Lucy et Miss Mary faillirent mourir d'épouvante et de souffrance, mais Peter Paulus put faire 12 repas. Il aimait de plus en plus le navigation. La mer était devenue son lieu d'élection, l'élément indispensable de sa vie. Pendant 2 années entières, ce cosmopolitisme enragé dura sans interruption. On vit la famille Brown de Sheffield à Sydney, à Yokohama, à Montevideo, à Hong Kong, à San Francisco, à Panama, au Cap, à Aden, à Bombay, à Shanghai, à la Pointe de Galles, à Calcutta. Peter Paulus trouvait la terre trop petite pour les besoins de son navigation. Quelque millionnaire qu'il fût, il ne pouvait penser à augmenter le volume de notre planète. Une seule chose empêchait la plénitude de son bonheur, un seul point noir tachait son horizon, les escales. S'il avait pu trouver un procédé pour empêcher les navires de s'arrêter, s'il rencontrait le voltigeur hollandais et que le commandant du navire errant l'eût pris à son bord, Peter Paulus était l'homme le plus heureux du Royaume-Uni. Master Brown eut sur ses entrefaites une idée lumineuse. Puisque les steamers, ces monstres de fer bourrés de charbon et gorgés d'eau bouillante, marchaient trop vite et arrivaient toujours trop tôt, pourquoi ne pas s'embarquer à bord d'un voilier ? Chez Peter Paulus, l'exécution suivait toujours de près la conception. Il rencontra à Londres un grand trois-mâts de 800 tonneaux qui allait partir pour la Guyane anglaise, chargé de charbon en destination de Demerara. Aller ici ou là, en Guyane ou ailleurs, peu importait au maniaque dont la vie était remplie par la gastrite et la navigation, peu lui importaient les souffrances continuelles et le dépérissement de sa femme et de ses filles. Peter Paulus n'hésitait pas à les faire périr lentement pour leur conserver un époux et un père. Le trois-mâts s'appelait le Carlo Alberto. C'était un vieux navire génois, acheté par un armateur anglais, et spécialement affecté au transport des charbons en Guyane. Il portait 6 hommes d'équipage, le second, le capitaine et un mousse. L'aménagement était élémentaire et le confort absent. Le capitaine, flairant une bonne affaire, fit tant bien que mal aménager une cabine pour ses passagers, et Master Brown, ravi de la perspective d'un voyage au long cours, sans escale, déclara que tout était parfait. Le Carlo Alberto, chargé outre mesure, marchait comme une péniche encombrée de pavés et faisait à grand-peine 3,5 à 4 nœuds au plus à l'heure. En outre, son bordage n'était pas absolument imperméable, et bien qu'il n'eût pas de voie d'eau, de constantes infiltrations nécessitaient le fréquent emploi de la pompe. Le trois-mâts réalisait donc les conditions indispensables pour fournir une traversée d'une excessive lenteur. Entre-temps, Peter Paulus digérait les vivres frais et les conserves de premier choix embarquées pour sa seigneurie. Tout alla à souhait pendant 30 jours, et le Carlo Alberto était arrivé au point où le 54e degré de longitude ouest coupe le 7e degré de latitude nord. Il allait piquer droit aux côtes de la Guyane française afin de profiter du courant d'ouest-nord-ouest qui devait le porter à Demerara, quand une voie d'eau se déclara soudain. L'équipage se mit aux pompes et manœuvra avec une suprême énergie pour alléger le navire, que son mauvais état condamnait irrévocablement. Malheureusement, le calme se fit avant que le trois-mâts fût pris par le courant. Son capitaine n'avait même pas la ressource d'aller s'échouer à la côte. Il fallait tenir bon à tout prix et attendre le vent. Pendant 8 jours, le Carlo Alberto s'emplit comme une éponge en dépit des efforts de ses vaillants matelots et sans que l'incomparable sérénité de Peter Paulus eût été un moment troublée. Son agonie commença à 100 milles à peine des côtes. La brise s'est élevée, mais trop tard. Le trois-mâts s'enfonçait à vue d'œil. On mit la grande chaloupe à la mer, les dames descendirent les premières, puis Master Brown nantit de son inséparable valise et de son plaid. On embarqua la hâte, quelques provisions, une barrique d'eau, un sextant, une boussole, puis le capitaine, après avoir coupé la drisse de son pavillon, prit place le dernier dans l'embarcation en tenant à la main l'emblème national, seule épave qu'il eût voulu sauver de sa fortune engloutie. Une demi-heure après, le trois-mâts avait disparu, sa coque reposait sur le fond de vase molle et ses mâts de perroquet émergeaient seuls des flots jaunâtres. Peter Paulus, qui avait appréhendé une escale, se rasséréna en voyant que la navigation continuait. Bien que le soleil darda des rayons presque verticaux, que sa femme et ses enfants souffrissent horriblement de la chaleur, il trouvait tout cela charmant et encourageait d'all-right sonore les matelots qui commençaient à le regarder de travers. Pendant 24 heures, les intrépides marins luttèrent avec l'énergie du désespoir sans pouvoir atteindre la côte qui semblait fuir devant eux. Leur force, sinon leur courage, allait faiblir quand ils aperçurent une fine goélette se dirigeant vers le nord-ouest. Un chiffon blanc fut arboré au bout d'une rame. Ce signal de détresse fut aperçu et la goélette, changeant aussitôt de route, mit le cap sur la chaloupe. Les naufragés du Carlo Alberto étaient sauvés et Peter Paulus allait encore naviguer. Ce bâtiment, si providentiellement rencontré, était le Saphir, petit navire de guerre anglais appartenant à la station navale de Cayenne. Il allait ravitailler la colonie pénitentiaire de Saint-Laurent. 2 palans furent frappés et la chaloupe, lestement enlevée, avec ses passagers que le capitaine, le lieutenant de vaisseau baron, vint recevoir avec cette courtoisie habituelle aux officiers de notre marine. Peter Paulus jubilait, sans même avoir remercié le capitaine, qui avait aussitôt mis son appartement à la disposition des dames. L'original s'enquit de la durée probable de la traversée. L'officier, croyant que le naufragé avait hâte d'aborder, s'empressa de le rassurer et lui promit de jeter l'ancre avant 24 heures à Saint-Laurent, si toutefois la marée permettait de franchir la barre du Maroni. « Mais je ne voulais pas aborder. Je trouvais les escales une chose détestable. Je donnais à vous 100 livres, si vous voulez conduire moi très loin. » Le capitaine du Saphir eut toutes les peines à lui faire comprendre qu'un navire de guerre n'était pas à la disposition du premier venu et qu'il devait avant tout suivre sa route. Puis il ajouta « Je ne resterai que 4 jours à Saint-Laurent. Si vous voulez revenir avec moi à Cayenne, vous pourrez attendre l'arrivée du paquebot français qui vous conduira à Demerara. »« Je ne voulais pas aller à Demerara, je voulais naviguer. Le navigation, il était nécessaire à mon gastrite. » Le vent et la marée s'unirent contre Peter Paulus. Ainsi que l'avait annoncé le capitaine, le Saphir mouillait au bout de 24 heures devant Saint-Laurent. Le malheureux insulaire était désespéré, non seulement par la perspective d'un séjour de 96 heures à terre, mais encore par l'idée seule de l'immobilité. Il n'avait pas, comme dans les ports où s'arrêtent les steamers, la ressource de fréter un bâtiment et de courir des bordées en attendant le départ. Les seules embarcations que possède Saint-Laurent appartiennent à la direction des pénitenciers. Ils ne peuvent quitter la colonie sans un ordre formel du commandant supérieur. Master Brown, quand son égoïsme était en jeu, devenait un homme de ressources. Il inventoriait curieusement du pont du Saphir, ancré depuis quelques minutes, les rives de notre grand fleuve avec une lorgnette sauvée du naufrage, quand il l'aperçut de l'autre côté, sur la rive hollandaise, un mât surmonté d'un pavillon. « Qu'est-ce que c'était ? » demanda-t-il au lieutenant de vaisseau. « C'est le poste hollandais d'Albina. » « Ce poste n'était pas station navale ?»« Non, » répondit l'officier. « Les navires marchands y abordent de temps en temps pour embarquer du bois, et une fois par mois, le Maroni Packet vient chercher le courrier. »« Ah oh !» fit l'insulaire songeur. « Je voulais aller chez ce poste, s'il vous plaît, capitaine. »« Mais avec le plus grand plaisir. »« Je mets à votre disposition ma baleinière avec 4 hommes. Le voyage ne dure qu'une heure. »« All right !» reprit brièvement Peter Paulus, rasséréné à la pensée de naviguer encore 1 heure. Mrs. Arabella, Miss Lucy et Miss Mary, pauvres victimes résignées, suivirent sans se plaindre l'omnipotent monomane et abordèrent, brisés, devant la magnifique demeure du commissaire hollandais. Ce dernier, un jeune homme d'une 30aine d'années, d'origine écossaise, s'appelait McClintock. Il s'empressa de leur faire prodiguer tous les soins que nécessitait leur état, pendant que Peter Paulus, maugréant, tempêtant, se démenait en plein soleil, à la recherche d'un canot, quelque petit qu'il fût. Le commissaire, appréhendant l'insolation, dut presque employer la force pour le faire entrer dans sa maison, tant l'enragé navigateur manifestait d'horreur pour la terre ferme. Il fallut alors au pauvre McClintock subir l'interminable histoire de Peter Paulus depuis sa liquidation jusqu'à son naufrage. Le spleen, les consultations, le gastrite, le navigation, l'impérieux besoin de l'élément liquide, dont la satisfaction exigeait toutes les variétés d'appareils nautiques, depuis le steamer géant jusqu'au canot microscopique. « Ah oh !» termina Master Brown. « Je voulais naviguer. Si je trouvais pas une petite bateau, je brûlais mon cervelle tout de suite. » « Mais, » reprit le commissaire, à bout d'arguments, « je n'ai pas de bâtiment. Il eût été préférable pour vous de rester sur le Saphir qui reprendra la mer dans 4 jours. Je brûle alors mon cervelle. Écoutez-moi, Mrs. Brown est malade, incapable de voyager en ce moment. » « Je brûlerai aussi le cervelle de Mrs. Ah oh, qu'est-ce que c'était que cette petite chose que je voyais venir là-bas ? C'est une pirogue montée par 2 nègres boches. Je achetais le pirogue et les 2 nègres, mais ce sont des hommes libres, et je ne vous conseille pas d'attenter à leur liberté. Si pourtant vous tenez absolument à remonter le fleuve, ils vous conduiront volontiers moyennant finance. Yes, je donnerai de l'argent. Mon gastrite, il ne pouvait pas attendre. » Ce diable d'homme savait trouver des arguments sans réplique. Il fit tant et si bien que les 2 boches, alléchées par la perspective d'une quantité considérable de rouleaux, des pièces de 5 francs, consentirent à se charger de Master Brown et de sa famille jusqu'à l'arrivée du Maroni Packet, c'est-à-dire 15 jours. Leur pirogue, heureusement fort spacieuse, fut pourvue à l'arrière d'une tente de feuillage. Les magasins de M. Köppler, situés près du commissariat, fournirent les vivres, puis Peter Paulus, armateur et capitaine tout à la fois, prit place avec sa famille dans la légère embarcation. « Je étais, » dit-il en serrant la main de l'obligeant hollandais, « je étais sur un fleuve, je n'avais qu'un petit canot, mais ce n'était encore le navigation. » Puis il partit vers le saut Hermina, que les Boches franchirent avec autant de facilité que leurs congénères les Bonnies. Tout alla bien pendant 5 jours, mais les noirs bateliers, peu habitués à tant d'exigences, se fatiguèrent d'obéir aux signes impérieux de leurs passagers qui leur commandaient d'aller toujours de l'avant sans leur permettre un moment de repos. Ils murmurèrent et sans s'intimider des grands airs de Peter Paulus Brown de Sheffield ainsi que des menaces de son revolver, débarquèrent un beau soir sur la rive hollandaise du Maroni, non loin du saut Peter Songu. Master Brown fit bon gré malgré une dernière concession et voulut bien passer la nuit à terre. Il dormit mal et ne mangea pas. Sa gastrite l'éveilla au moment où le soleil apparaissait. Il appela ses Boches d'une voix qui eût pu rivaliser avec celle du héron butor et n'obtint pas de réponse. Les 2 noirs, profitant du sommeil des blancs, s'étaient éclipsés comme ils ont coutume de le faire quand on leur impose un surcroît de travail abandonnant en pleine terre guyanaise Peter Paulus Brown, son plaid, sa valise, sa femme et ses deux filles.